La diversité des arbres faisait un spectacle changeant. Les hêtres, à l'écorce blanche et lisse, entremêlaient leurs couronnes. Des frênes courbaient mollement leurs glauques ramures. Dans les cépets de charme, des houx, pareils à du bronze, se hérissaient. Puis venait une file de minces bouleaux, inclinés dans des attitudes élégiaques. Et les pins, symétriques comme des tuyaux d'orgue, en se balançant continuellement, semblaient chanter. Il y avait des chênes rugueux, énormes, qui se convulsaient, s'étiraient du sol, s'étreignaient les uns les autres, et, fermes sur leurs troncs, pareils à des torses, se lançaient avec leurs bras nus des appels de désespoir, des menaces furibondes, comme un groupe de titans immobilisés dans leur colère. Quelque chose de plus lourd, une langueur fiévreuse, planait au-dessus des mares, découpant la nappe de leurs eaux entre des buissons d'épines. Les lichens de leurs berges, où les loups viennent boire, sont couleur de soufre, brûlés comme par le pas des sorcières, et le coassement ininterrompu des grenouilles répond aux cris des corneilles qui tournoient. Ensuite, ils traversaient des clairières monotones, plantées d'un baliveau çà et là. Un bruit de fer, des coups de ruse et nombreux sonnaient. C'était, au flanc d'une colline, une compagnie de carriers battant les roches. Elles se multipliaient de plus en plus et finissaient par remplir tout le paysage, cubiques comme des maisons, plates comme des dalles, s'étayant, se surplombant, se confondant, telles que les ruines méconnaissables et monstrueuses de quelque cité disparue. Mais la furie même de leur chaos fait plutôt rêver à des volcans, à des déluges, aux grands cataclysmes ignorés. Frédéric disait qu'ils étaient là depuis le commencement du monde et resteraient ainsi jusqu'à la fin. Rosanette détournait la tête en affirmant que, entre guillemets, ça la rendrait folle et ça n'allait cueillir des bruyères. La petite fer violette, tassée les unes près des autres, formait des plaques inégales et la terre qui s'écroulait de dessous mettait, comme des franges noires, au bord des sables pailletés de mica. Ils arrivèrent un jour à mi-hauteur d'une colline tout en sable. Sa surface, vierge de pas, était rayée en ondulations symétriques. Çà et là, tels que des promontoires, sur le lit desséché d'un océan, se levaient des roches ayant de vagues formes d'animaux. Tortues avançant la tête, phoques qui rampent, hippopotames et ours. Personne, aucun bruit. Les sables, frappés par le soleil, éblouissaient. Et tout à coup, dans cette vibration de la lumière, les bêtes parurent remuer. Ils s'en retournèrent vite, fuyant le vertige, presque effrayés.